ni ahí. Nguraise mayuna wale misi kemeo hamuju. Eni wase nadere gwa meji. Je te sens plus hamuju wa ewei. Ikeke ngono wa maoku na dukurudu yeyere. Soke pleo ni sheri yeme. Na wuli mesio, mesio ma. Na dere ngomo kosu vise. Eni deko deyi. Wuli mingi mami je kompran plio. Kono de jie kutulo wa. L'amour se cache toujours là où on ne l'attend pas. Allez, si c'est ça l'amour là, je meurs pour l'amour et non nye nye oh. Je ma vie et non nye nye re. Je dis que l'obé y se oué y se bon y a me wa bébé. Et la gâti a clé clé wa boule y y a le ya ya oh. Allez, y se ma yuna tere me nye mokare. Je suis foutu, oh, au nom de Dieu, je suis amoureux. Et ni Dubéi, Kéo, et ni Afino, Kéo. Valencia. Et y'a le bon équipe, et n'y a me y'a le. Amoujou, aliasi, yese, oh, aliasi, yese, kare. L'amour est encore plus fort. Un amour à sens unique, mais je t'aime, mais yo. Tu vas me donner, ne me laisse pas tomber. Dogote Adou Cori, c'est la société. La go la plus en fou. Je ne te sens plus, ma jolie femme africaine. Je ne te sens plus, bébé, ma jolie go africaine. Je ne te sens pas du tout oh, comme dans les 100 premiers jours. Tu étais naturel, oh, bisous par-ci partout. Tant un cacao brillant, me met KO tout le temps. Quand tu te déhanches, oh, c'est tout ton corps qui danse. Les affaires se balancent, oh, tu es une bombe qui est lancée. Ton cou est coupé, coupé, oh, voici bien répété là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je ne te sens pas, Dibli, ma jolie femme africaine. Doro, petite figure de biche, jolis yeux de métis. Voilà où là-bas, là-bas, oh, nous c'est ça qui nous va. C'est ça la vraie femme africaine.